qui est le processus qui fait que, disons, on n'agit jamais, un rêve non plus, il fait que parce qu'on l'observe, il va changer, il va être transmuté. C'est quoi le processus qui fait que parce que tu observes ton rêve, ou disons, tu prends conscience de ton rêve va être aussi en vibration, puis il va être transmuté, disons, pour une certaine amélioration? C'est quoi le processus de ça? Bon, ce que tu dis là est un peu faux. En observant le rêve peut baisser en vibration si c'est la conscience égoïque ou astrale qui l'observe. Et le rêve va être augmenté en vibration si c'est la conscience mentale qui l'observe. La conscience mentale, l'observant, elle descend un peu plus d'énergie dans le système nerveux, dans le cerveau du corps, ce qui nécessairement oblige la transmission astrale dans une partie plus vibratoire du cerveau, ce qui amène une expérience intra-âmique plus vibrante, ce qui nécessairement oblige la conscience astrale à grimper, donc à augmenter son taux vibratoire. Si c'est une partie âmique, donc astrale, qui observe, dépendant de quelle est la partie astrale qui va observer, et normalement une conscience astrale qui observe le rêve, conserve la même vibration ou le baisse en vibration, donc le complique et le rempire. Bon, flotter durant le rêve sans se voir extérieurement, comment explique-t-on? Bon, on l'explique par la parole. C'est comme ça, bon. Il faut ajuster sa pensée, ajuster sa parole, et puis lentement, quand on pose des questions très bien ajustées, bien souvent on en trouve la réponse à l'intérieur. Or, flotter durant le rêve sans se voir extérieurement, c'est simplement que la conscience au complet... La conscience astrale est placée dans la mémoire, elle est placée dans la mémoire expérientielle des molécules de l'air. Alors, autrement dit, c'est la conscience, elle est dans l'air. Nécessairement, la personne ne se voit pas et elle décode émotivement, donc amiquement, l'impression de flotter. Peut-on générer un rêve qui nous plaît, intelligent ou qui nous initie? Pour dormir, on génère un rêve qui nous plaît. À un moment donné, si on veut éviter certaines choses, si on veut apprendre certaines choses, on peut générer un rêve qui peut être plus problématique de façon à voir de quelle façon on va s'en sortir. C'est ce qu'on appelle le rêve initiatique. Mais on doit faire ça seulement quand on est bien reposé. Donc, une personne qui travaille régulièrement, qui supporte une certaine quantité de stress, ne devrait pas, en plus dans son sommeil, trop fréquemment... Alors, on peut faire ça les fins de semaine, si on ne travaille pas les fins de semaine. Il faut s'arranger pour faire ça lorsqu'on n'est pas trop fatigué. Voudrais-tu expliquer la différence entre terrestrifié et tellurique? La réponse à la question, c'est oui. Bon, maintenant, on va expliquer aussi. Terrestrifié, c'est un terme que j'ai inventé et qui est une tentative de ramener en français l'idée de « grounded » en anglais. Quelqu'un qui est terrestrifié ou quelqu'un qui se terrestrifie un peu, c'est comme celui qui fume une cigarette. Sans cigarette, l'ego grimpe un peu trop en vibration et une partie corporelle, surtout cérébrale, a de la difficulté à maintenir un état de lucidité terrestre, à être grounded. Alors, la personne va fumer, ça la replace, elle peut mieux agir, mieux prendre des décisions, mieux affronter des événements. Sa cigarette la terrestrifie. La nourriture peut faire la même chose et plusieurs autres phénomènes matériels peuvent terrestrifier. Entre terrestrifié et tellurique, l'être humain a été un jour planétarisé. La planète Terre elle-même évolue au rythme de l'homme. À l'intérieur de cette planétarisation, l'homme a été terrestrifié. Donc, l'intelligence a été densifiée à un point tel qu'elle est devenue de la matière. Terrestrifié peut donc vouloir dire planétaire, dans ce sens, encore une fois, comme grounded. Bien, lorsque l'esprit est grounded, elle est terrestrifiée, terme français. Tellurique, ça a rapport avec la vie interne de notre planète. Alors, on peut avoir des secousses sismiques ou des secousses telluriques. Alors, c'est la vie interne, donc ça peut engendrer des secousses, des tremblements de terre. On parle aussi d'énergie tellurique. L'énergie tellurique est l'énergie vitale de type yin qui est générée par notre planète Terre en différenciation de l'énergie vitale de type yang émise par notre système solaire. L'énergie tellurique, elle peut être mesurée. Pourquoi? Parce que c'est une forme de radioactivité qui peut être mesurée par des appareils d'acupuncture ou encore par des appareils style compteur GGR qui peuvent détecter les radiations. L'énergie tellurique yin est différente selon les plaques continentales, selon les régions sur ces plaques, donc selon les territoires. Dans les montagnes, c'est différent. Dans les vallées, c'est différent. Sur le bord des plages, c'est différent. Le rôle du Québec dans l'évolution, engendre par son évolution d'énergie tellurique une race légèrement différente. Premièrement, parce qu'elle s'alimente à même la tellurie de notre planète, donc du bouclier canadien en ce qui concerne le Québec. Et nécessairement, ça donne des végétaux, ça donne des animaux qui ont une consistance tellurique différente, ce qui permet une mutation neuro-endocrinienne plus avancée chez le Québécois. Quand je parle de Québécois, on parle du Québec politique, mais on parle surtout du Québec ésotérique, c'est-à-dire le bouclier canadien dans son ensemble. Nécessairement, lorsque l'être humain qui a une certaine forme de mutation au niveau de son système neuronique va voyage dans les Laurentides, il se sent bien. Ça le relaxe, ça le repose, ça le nourrit. Il peut se sentir épuisé, il peut se sentir fatigué vers les 4h, 5h d'après-midi. Pourquoi? Parce que le corps absorbe tellement d'énergie que le corps veut le digérer, ce qui amène la personne à une espèce de somnolence, à un rejet de la conscience astrale. Après quelques jours, la personne, elle, maintenant, elle est pleine, alors elle peut rester plus longtemps réveillée. Pourquoi il y a plus d'énergie dans la montagne que sur une plaine? C'est que l'énergie tellurique des montagnes, l'énergie tellurique est en surface. Plus il y a d'arbres, plus le vent, plus les arbres servent de radiateurs. Alors nécessairement, dans une forêt, il y en a un peu plus dans l'air. Et en plus, le vent qui vient frapper les arbres l'entraîne avec, ce qui permet à cette radiation tellurique d'être plus présente dans l'air. Dans les montagnes, chaque montagne devient aussi un radiateur, ce qui fait qu'on a un nuage d'énergie tellurique de type yin qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui plaît à énormément de personnes qui sont typiquement de race ésotériquement québécoise. K-E-B-E-K, bouclier canadien. Dans les cantons de l'Est, eh bien, on a un autre genre de tellurie yin qui n'est pas la même parce qu'elle est yin-yin-yin. C'est un yin extrêmement humide. Dans les Laurentides, c'est un yin yin yannick. Enfin, je vais laisser faire cette petite explication. Alors, dans les cantons de l'Est, eh bien, on aura plus de phénomènes spirituels. Et dans les Laurentides, on aura plus de phénomènes mentaux. Et finalement, c'est là que vont s'installer les structures nouvelles qui vont amener dans les quelques années à venir, disons, après l'an 2023, l'instruction planétaire. Que pensez-vous et expliquez-moi les rêves prémonitoires? J'en ai fait trois dans ma vie, qui se sont réalisés. Ils m'étaient donnés par symbole. Vraiment en parole et final de celui-ci, il m'a été dit, je ne peux venir. Wow. Je lis très mal, hein? Faut écrire bien. Bon, les rêves prémonitoires. Premièrement, dans le monde de la mort, il y a inscrit, c'est-à-dire mémorisé, toutes les données, toutes les mémoires de tous les événements. Donc, nécessairement, une personne qui va dans le monde astral, et le monde astral, même s'il n'a pas d'intelligence, il ne peut pas vivre de neuf, il a de l'intellectuance comme un ordinateur et il peut nécessairement extrapoler des conditions. Donc, étant donné que dans le monde de la mort, toutes les données, les data pour un ordinateur sont présents, nécessairement, une personne qui va fouiller peut facilement aller jouer dans des rêves. C'est souvent plus ou moins symbolique pour la simple raison que l'extrapolation du monde de la mort, donc de ce qui est déjà arrivé, n'est pas totalement complétée. Il manque de l'émotion. L'émotion amenée par un être humain qui va rêver. Alors, c'est facile, l'exemple le plus facile à donner, c'est lorsqu'on a une personne dans une taverne, on a une personne chez elle, et il y en a une qui fait un rêve, comme quoi il peut y avoir un accident. Étant donné que la personne chez elle va toujours à son travail plus ou moins aux mêmes heures et revient chez elle par le même chemin, étant donné que la personne qui boit se saoule souvent la gueule et quand elle s'en vient est toujours un peu plus ou moins croche avec son automobile, eh bien, dans le monde de la mort, on peut extrapoler des choses. À un moment donné, celui-ci, c'est déjà prévu dans le monde de la mort. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un retard dans le courrier qui a engendré ceci, qui donne cela, qui donne cela. Dans la matière, ce n'est pas encore exprimé. Dans le monde de la mort, c'est déjà présent. Ça peut ne pas arriver. Ça peut arriver. Alors, lentement, la condition de l'accident peut déjà être extrapolée. Le bonhomme va partir plus tard de son travail à cause de tout ce qui est déjà en train d'être mis en marche. Comme le gars finit vers ces heures-là, et patati patata, eh bien, lentement, on peut prévoir un accident. La personne fait un rêve prémonitoire et deux semaines, trois jours, un mois après, elle a raison. Elle a prévu le passé. C'est-à-dire que c'est une extrapolation du passé. On a une autre forme de rêve prémonitoire où l'individu, dans son rêve, ne rêve pas, mais a accès à un plan de conscience qui est difficilement accessible à l'humain, qui vit de l'évolution animale. Et lorsque l'être humain, dans ce rêve, c'est une voyance pendant le sommeil, a accès à des annales akashiques, et là, la faculté de connaître la mémoire du passé et la mémoire de l'avenir. Alors donc, elle peut, en tripotant ses annales, avoir une idée de ce qui peut arriver, parce qu'émotivement, elle ne peut pas supporter qu'elle voit l'avenir, eh bien, elle va, par l'ajusteur psychologique, l'intellect, retransformer un peu son rêve, donc ça le déforme, ce qui engendre encore le phénomène symbolique. Et par la suite, si elle peut le recoder, elle aura l'idée de ce qui va arriver. L'amour intelligent dont tu parles est un amour passif. Ça va de soi. Quand et comment l'amour volonté se manifestera-t-elle? Jamais. Elle est manifestée, l'amour volonté. Il faut faire attention, vous savez, on aime bien souvent prendre des mots puissants. Premièrement, la volonté est exclusivement réservée à un plan extraterrestre qui porte le nom de plan divin. Extraterrestre en ce sens qu'il n'est pas généré par le monde de la planète Terre. En dessous, il y a le plan bouddhique, qui n'a rien à voir avec Bouddha, qui lui est un plan, théologiquement appelé le plan du Fils. Et ça, c'est un plan d'amour, hautement passif. En dessous, il y a le plan supramental, appelé aussi Esprit-Saint, intelligence active. Et ça, c'est de l'intelligence mécanique. Et dans le contexte de l'âme, il y a des colorations, des copies de copies, et on a l'amour psychologique. Qu'est-ce que c'est l'homme? L'homme, c'est un mixage de volonté, appelé les barbites. Mais c'est faux, c'est une coloration, mais l'homme dit qu'il a de la volonté. Moi, j'ai la volonté de fumer! Moi, j'ai la volonté de ne pas fumer! Tout le monde a de la volonté. Il y en a qui ont la volonté de marcher, d'autres de courir, d'autres de prendre le char. Vous savez que pour un gars qui aime faire jogging, il faut de la volonté en maudit pour embarquer dans son auto pour aller juste au bord de la rue chercher une pinte de lait. Il faut de la volonté. Tandis que celui qui marche jamais, bien lui, il faut de la volonté pour le faire à pied. Tout le monde a de la volonté, tout le monde en manque. L'homme est un mélange de volonté illusoire, le libre-arbitre, d'amour illusoire, c'est un amour conditionnel, et d'intelligence illusoire, c'est l'intellect qui est relié aux mémoires. Pas de mémoire, plus d'intelligence chez l'homme. Éliminer la mémoire de l'humain présentement, puis voilà, il n'y a plus rien partout chez lui. Pourquoi? Parce que la mémoire est son âme, et son âme est ce qui, présentement, en souffrant la condition expérientielle, engendre le désir, l'émotion, et nécessairement ce que l'humain appelle la pensée, alors que la pensée est une manipulation du monde de la mort dans sa conscience amique. Lorsque l'on parle d'amour passif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a une seule chose sur la planète qu'on n'aime pas, eh bien, on n'aime pas. Si on aime tout, ça veut dire qu'il n'y a pas une seule chose qu'on est capable de ne pas aimer. Alors, la personne va dire, « Ah oui, mais là, ben, c'est ça. » L'amour, qu'est-ce que c'est? C'est une énergie. Une énergie qui ne provient pas de la planète Terre. Une énergie qui est partout présente. Une énergie qui descend dans l'homme et qui l'anime. Lorsque l'homme est animé de cet amour, eh bien, tout ce qu'il peut faire, c'est entrer en résonance avec l'extérieur. Parce que l'être humain a de l'orgueil, l'être humain va dire « Ah, je suis j'aime! » Puis à un moment donné, il dit « Oh, tiens, tiens, moi, t'aimais plus que le reste, ouais. » Et nécessairement, ben là, c'est plus de l'amour, ça. Là, l'amour est parti de chez lui. Là, qu'est-ce qui lui reste? Un message inconscient, ce que l'enfant avait. L'enfant aime d'amour. Il aime pas longtemps d'amour parce qu'on l'éduque vite à savoir comment aimer. Parce que ce qu'on n'aime pas, faut pas qu'il aime ça. Bon. Alors, l'enfant aime d'amour. Il reste une mémoire de ce qu'était l'amour dans l'âme. Et là, on pense qu'on est encore plugué à l'amour. Et là, on a même inventé les mots « j'aime pas ça ». On pense ça de l'amour. Comment pouvons-nous penser que l'amour peut être sélectif? Une des conditions de l'amour est qu'elle n'aime pas. L'amour, ça ne peut pas aimer. Vos yeux ne se voient pas. Dans un miroir, oui, mais ce qu'il voit, c'est une mémoire. C'est pas lui. C'est des photons d'une vitre. L'amour n'aime pas. Une maudite chance que l'amour n'aime pas. Imagine-toi si l'amour aimerait, puis t'aimerait pas. T'aimerais jamais. L'amour n'aime pas. Et si l'être humain veut exprimer de l'amour, il doit avoir un amour non sélectif. La preuve que l'amour n'aime pas, le plus laid des gars, la plus laide des filles sera capable d'aimer et même de se faire aimer. Une chance que l'amour n'aime pas comme l'homme aime, parce qu'il y a un maudit paquet d'humains sur la planète Terre qui ne pourrait pas connaître l'amour. Ça ne s'enseigne pas, l'amour, ça n'aime pas, ce n'est pas sélectif et nécessairement c'est passif. Tu aimes ou tu n'aimes pas. L'amour volonté, c'est quoi? Je veux aimer! Voyons donc, tu veux aimer. Tu veux aimer cette fille-là? Parfait. Laisse-moi là m'en passer au bistouri, après ça, on verra comment tu peux l'aimer. C'est simple, hein? Oui, c'est très, très, très simple. Tu aimes un enfant? Parfait. Va changer ses couches. Ah, ben là, moi, je l'aime quand il est propre, mais c'est ça. On aime nos enfants quand ils n'ont pas les cheveux bleus. Hein? Bon, l'amour, oui, c'est ça. S'il y a une personne présentement sur la planète Terre qui pourrait parler de l'amour, eh bien, c'est moi. Même si beaucoup d'humains considèrent que je ne rayonne pas énormément d'amour, je ne rayonne pas un amour manipulatif. Je ne rends pas les gens coupables à parce que je les aimerais. Imaginez simplement si je pourrais baver de l'amour comme bien des personnes en bavent de l'amour, avec les explications que je peux donner pour supporter ce que je baverais, j'aurais pas fini d'avoir des gens qui viendraient me coller pour m'embrasser. Et comme je déteste le maquillage, j'aurais plein de lèvres partout. Bon, je ne me vante pas. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui se prouve. Lorsque l'on doit prouver que l'on aime un individu, c'est nécessairement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'amour réel. Il y a de l'amour psychologique, de l'amour qui fait souffrir, de l'amour sélectif, de l'amour à condition que. L'amour intelligent, il est passif et une chance. Alors, si un jour quelqu'un d'entre vous m'attaque dans une ruelle, eh bien, je vais me défendre. Puis je l'aime pareil. Lui, il faudra qu'il m'haïsse pour m'attaquer. Moi, je serais capable de l'aimer puis de taper dedans. Je l'aimerais pareil. Puis s'il faut que je le tue, moi le tuer. Je l'aime pareil. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Absolument rien. Sauf que l'homme qui a un amour sélectif, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit haïr pour tuer. Alors, au cas qu'on aurait à se battre contre les Russes, bien, pratiquons-nous à les haïr tout de suite. Parce que la journée qu'ils vont venir nous attaquer, s'ils viennent, bien, si on les aime, on va être fait. On ne pourra pas se défendre en aimant. Alors, on se prépare des générations d'avance à haïr. Comme ça, si un jour on a à se battre, on va être capable d'y tuer et bien dormir. C'est l'amour sélectif. Ma femme me trompe peut-être. Autant commencer à l'haïr tout de suite, parce que si on a à se séparer, c'est plus facile. Deux êtres humains qui se séparent souvent s'haïssent. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas continuer à s'aimer puis se séparer. Pourquoi? Ils n'ont pas d'amour intelligent. Alors, on doit faire quoi? Bien, on doit se démolir mutuellement, souffrir suffisamment. Puis quand là, on commence à se détester, bien là, peut-être qu'on peut penser à se séparer. Parce que si on s'aime, même si on se démolit, on ne sera pas capable. L'amour-volonté est une farce, une illusion de l'orgueil de l'homme. Exactement comme si on dirait, quand allons-nous pouvoir contrôler toutes les rivières sur la planète? Laissez-les faire, ils se contrôlent tout seuls. C'est simple, hein? C'est simple, simple, simple, simple. Quand allons-nous contrôler tout le système de dépollution planétaire? Si on n'aurait pas mis notre nez dans la pollution, les océans dépolluaient, les rivières dépolluaient, les arbres dépolluaient, les animaux charognards dépolluaient, tout était parfait. Et là, on va avoir de l'amour volontaire en plus, de l'amour où on va être capable de dire à quelqu'un, « Toi, tu m'aimes? » Ou « Ben non, tu vas aimer ça? » Ça n'a rien à voir. Il y a un problème présentement majeur sur la planète Terre, c'est qu'il y a trop d'amour. Et il y a tellement trop d'amour psychologique qu'au nom de cet amour-là, tout le monde se détruit. Moi, je m'aime tellement que je t'haïs toi. Moi, j'aime tellement ma famille que je vais haïr l'autre. J'aime tellement mon drapeau que je rentre en guerre contre un autre pays. J'aime tellement mon parti politique que je m'envoie des batteries sur les autres. Parce que pour aimer, ça l'aime, sa planète. C'est pas un problème, l'amour. Une seule chose qu'il y a, c'est un amour qui est dirigé par une illusion, le libre-arbitre chez l'homme. Et cet amour-là, elle ne fout rien. Elle ne mène à rien. Elle est intéressante. Elle permet à l'être humain de continuer à oublier ce qu'il est. Vous êtes des maîtres contrôleurs. Vous êtes des êtres qui avaient une connexion avec un phénomène qu'on appelle divin. Je ne parle pas des dieux créés par l'homme à l'image de la ressemblance de l'homme. Je me place à l'extérieur de la planète Terre, au fin fond de ce qu'on appelle la création. Donc, en dehors des univers et des super-univers. Et ce que j'appelle Dieu, c'est ce qui réunit les super-univers. Ce qu'on appelle le plan de l'amour, c'est ce qui réunit les univers dans les super-univers. Ce qu'on appelle l'intelligence, c'est ce qui réunit les galaxies dedans. Ce qu'on appelle le phénomène mental, c'est tous les systèmes solaires qui sont réunis. Le phénomène astral, c'est le système planétaire. On est pogné dedans. Le phénomène vital, c'est la matière elle-même. Puis le phénomène matériel, bien, ça n'existe même pas. C'est un sous-produit du phénomène vital. Lorsque je parle des dieux ou lorsque je parle de Dieu, comme lorsque je parle de la prière, je donne un séminaire prochainement sur la prière, je ne dirai pas à l'humain comment se mettre à plat ventre pour supplier quelque chose qui doit lui obéir. Non, l'humain doit apprendre à parler. La première chose que le Nazaréen a montré à l'humanité, ça a été de prier. Notre Père. Et là, on parlait d'un phénomène non pas créateur ou engendreur, parce que le Père est génétiquement engendré. Attention. Et ça, ça n'a pas été compris. Si je dis « mon Père », en partant, c'est un sous-Dieu. Parce que si c'est mon Père, il est engendré aussi. C'est pas mon créateur, c'est mon engendreur. Je proviens de lui, je n'ai pas été créé par lui. qui êtes aux cieux. C'est intéressant. On sort du ciel. On parle donc à un père supramental, au minimum, intelligent. Peut-être dit bouddhique, amour. Peut-être divin, intentionnel. Qui êtes aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, on n'a pas le choix. Puis c'est dans le similaire, on en parle avec. Le nom est le phénomène clé. Sinon, ben, il n'y a rien à faire. Et là, on s'en va dans sa prière et on finit avec Amen, qui veut dire Amen. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il en soit ainsi, ainsi soit-il. Et l'humain, qu'est-ce qu'il fait l'humain quand il prie? Ainsi soit-il, puis là, il s'en va se coucher. C'est pas ça pendant toute la prière. On ne doit pas supplier, on doit prier. On ne doit pas dire s'il vous plaît. Ah, il y a plein de choses que l'humain ne sait pas. Pourquoi, où il n'y a plus d'humains qui prient ensemble, ça donne un meilleur résultat? Parce que la prière nourrit le monde de la mort. Elle nourrit le ciel et elle nourrit les égrégores. Lorsque je parle de phénomène divin, je ne parle pas des dieux qui sont hiérarchiquement en bas des dieux, qui sont créés par l'homme pour servir l'homme jusqu'au jour où l'homme pourra s'en servir. Lorsque nous parlons d'amour, c'est le même phénomène. L'amour, c'est quelque chose d'extrêmement important, tellement important que ça n'a jamais été remis entre les mains contrôleuses de l'homme. L'homme pense. L'homme pense contrôler bien des choses. J'aime autant, moi, vivre d'un amour intelligent qui me libère totalement. Je ne peux pas haïr. Je suis manipulé? Oui! Je ne peux pas haïr, je ne peux pas détester, je ne peux pas être jaloux, je n'aime pas ma femme plus qu'un autre, il n'y a rien à faire. Ça ne marche pas. Par contre, je ne souffre pas d'aimer, je ne suis pas pogné avec rien de ces phénomènes-là, je suis libre. Je m'en vais dans des pays sous-développés, je me sens comme chez moi. C'est évident, je ne peux pas haïr rien, je ne peux pas comparer, je suis chez moi. C'est plus simple. C'est passif, tant pis. Mieux vaut être heureux passif que souffrir avec ta volonté. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Est-ce que vous... Oui, question? Oui, pour le système de planche que tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un danger... Ton système qui est téléphone à la planche. Là. D'accord. Est-ce que il y a un danger de faire ça dans le jour? Non. Qu'est-ce que ça peut apporter dans le jour de le faire? Dans le jour, ça peut, dépendant des génétiques, engendrer une vibration dans la glande pinéale et faire en sorte que ce que antiquement on appelait le troisième œil se sente stimulé. Ça crée évidemment des phénomènes intéressants. La nuit, le soir, quand il y a de l'obscurité, étant donné que la glande pinéale se remet à marcher un tout petit peu en sécrétion endocrinienne, très peu dans la majorité des adultes, mais beaucoup chez l'enfant, eh bien, c'est donc qu'il n'y a pas tellement de différence, c'est similaire. En pleine journée, ce balayage mentalo-cérébral peut engendrer une vibration au niveau de la glande pinéale, ce qui permet plusieurs choses là, sur lesquelles on peut passer. Okay, dernière question. Pour aller chercher le rêve, est-ce qu'il faut le bâtir, le rêve, au complet, ou s'il faut attendre qu'il y ait quelque chose qui vienne? Non, non. J'ai déjà expliqué une chose juste intéressante, c'est que va-t'en dedans une espèce de char d'assaut, invente-toi quelque chose de très sécuritaire pour ton ego, et où tu es bien là-dedans, puis tout ça, là, puis là, il y a des bombes nucléaires à côté, tu peux pas te faire attaquer pantoute, ou encore ta femme a crié, puis tu n'entends pas, là, tu sais, bon. Quelque chose de bien sécuritaire, et puis tu restes là-dedans, puis t'es bien, puis lentement, ton ego devient paradisier, ce qui fait qu'il va fuir très rapidement la conscience de ton corps physique, et le rêve, par la suite, sera créé selon... soit l'intelligence qui veut t'enseigner quelque chose, soit simplement une manipulation dans ton sommeil au niveau du monde de la mort, mais parce que tu pratiques l'état de conscience pré-sommeil, tu pourras aussi être conscient pendant le sommeil. Alors, si c'est simplement astral, tu pourras commencer à être un enfant dans le monde de la mort pendant le sommeil, tu pourras t'amuser. Si c'est intelligent, tu pourras t'initier. Mais il est temps qu'on commence à prendre le contrôle de nos nuits. Okay, merci. Est-ce que vos conférences se donnent aussi en anglais? Pas pour l'instant, ça va venir, mais je n'ai pas encore eu suffisamment de demandes. Est-ce que l'ordre rosicrucien à mort qui est bon pour l'avancement? Si l'ordre rosicrucien à mort qui existe encore aujourd'hui, c'est sans doute très bon pour l'avancement. Et sinon, ça fait longtemps que ça aurait été éliminé. De toute façon, Christian Rosenkreuz, celui qui a lancé les ordres rosicruciens, enfin, il y a plusieurs choses que je ne sais pas ce que la personne connaît sur les fondateurs de ces différents ordres, mais quels que soient les ordres qui sont rattachés au comte de Saint-Germain, ce sont des choses qui sont très fonctionnelles. Ça dépend d'une chose, l'individu qui en fait partie. Un être humain intelligent dans une Lada va se rendre à meilleur port qu'un être saoul dans une Rolls-Royce, n'est-ce pas? Bon, alors ça ne dépend pas de l'automobile, ça dépend de l'individu qui est dedans. Alors, venir au centre, ça dépend de vous. Être dans l'ordre du Crucifix Amorx, Maxime Dell, être dans franc-maçonnerie, être dans d'autres choses, quelle que soit la religion, la secte ou l'obédience, ben, c'est l'humain qui est dedans qui fait la chose. C'est comme pour les arts martiaux. Une technique ne vaut rien. C'est le pratiquant qui fait tout. C'est la même chose. Morgan Taylor, ou Morgan Keller, bon, en tout cas, ça, c'est vos yeux. Et l'avortement, mission ou vengeance? Ni un ni l'autre. Et ce qu'il fait doit être fait. Mais lui ne le sait pas. Ce n'est donc pas une mission. Et ce n'est pas non plus une vengeance. Il est inconscient de ce qui se passe. Fluoration pour le Québec, est-ce nécessaire? Ben, de toute façon, les eaux du Nord ont plus de fluor que les eaux de Montréal. Bon, vous pourrez commander des stocks d'eau distillée en eau. Le fluor ne dérange pas. Il faut bien comprendre une chose. Lorsque l'être humain rajoute des produits chimiques dans l'eau, ça dépend des doses, ça dépend des quantités, ça dépend des humains. Depuis qu'on a de l'iode dans le sel de table, on a un paquet de problèmes de glandes qui sont éliminés. C'est un NaCl, oui, oui, mais il y a de l'iode après. Il est iodisé pour qu'il ne colle pas tout. Hein? On met de l'iode. On met d'autres choses aussi. On met du potassium souvent. Bon. Et ça aide la santé de l'humain. Ça nuit. Ben, il faudrait qu'on cesse de respirer et qu'on cesse de manger pour qu'on ait une bonne santé. Bon. Le chiffre 6, pourquoi si souvent employé? 6 millions. L'homme de 6 millions. Le chiffre 6 est un symbole kabbalistique qui signifie la réflexion. Or, il est employé pour un paquet de raisons. Ce serait un peu long, il faudrait un tableau. C'est des choses que souvent on explique en séminaire, et je dis pas ça pour rien d'autre, c'est que j'ai pas rien pour expliquer. Il faut partir avec des symboles, le chiffre 1. Qu'est-ce qui a amené cela? Pourquoi le chiffre 6 devient la réflexion, etc. Alors, c'est un chiffre qui symbolise la réflexion et qui est hautement relié aux égrégores juifs. Et nécessairement, vu que les égrégores juifs ont été lentement affiliés à différentes écoles traditionnelles ésotériques de l'Antiquité, il y a quelques 3000 ans, eh bien, la majorité des substances qui parviennent encore aujourd'hui de l'Occident sont teintées de ces choses. Et nécessairement, on a donc les 7 jours de la création. Parce que le chiffre 3, qui symbolise le résultat, qui symbolise l'idée souvent parce qu'il symbolise le feu. Le chiffre 4, qui est la matière, parce que c'est les 4 éléments. Le chiffre 7, c'est l'idée qui devient matière, donc la création. Alors, il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent être expliquées. C'est un petit peu long pour l'instant au niveau du chiffre 6. Il représente la réflexion. 666, c'est autre chose. Alors, à un moment donné, on pourra revenir. On a une conférence, d'ailleurs, que Raphaël Payeur a faite sur le chiffre 666, un chiffre d'homme qu'on a sur cassette au sous-sol. Qu'est-ce qui cause les impressions d'irréalité? L'ajusteur psychologique. Qu'est-ce qui est irréel? Je vois présentement un cube sur la plateforme. Bon, en arrière, vous ne voyez pas, il est trop bas. Bon. Puis en avant, ben, vous ne voyez pas parce que oui, parce qu'il n'est pas là. Bon. Je vois un cube sur la plateforme. Est-ce que c'est réel ou irréel? Ben, vous ne pouvez pas le savoir parce que si vous ne le voyez pas, ça ne veut pas dire que c'est irréel. Ça peut être très bien réel, mais vous ne le voyez pas. Lorsque l'être humain vit une émotion, c'est la même chose. Moi, j'aime ça, l'autre, il n'aime pas ça. Il n'est pas question de réel ou de réalité. Chaque être humain vit dans son monde, donc ça reste réel. Qu'est-ce qui crée l'impression d'irréalité? C'est un déphasement. Il y a deux choses qui peuvent créer ça. Les corps qui sont en désharmonie les uns vers les autres, ce qui perturbe la gustation d'une perception sensorio-corporelle, matérielle. Et il y a autre chose aussi, ça peut simplement être un sens qui n'est pas biologique, mais qui est vitalique, relié au corps vital, qui perçoit des choses. C'est trop subtil encore pour être catalogué convenablement par le cerveau. Et des fois, l'intellect vient s'en mêler et refuse. Ça peut créer des phénomènes d'impression d'irréalité. L'impression de ne pas être là et en même temps, on sait qu'on est là. Ça, c'est normalement le corps vital qui est légèrement déphasé du corps physique. Bon, ça peut s'arranger. Présentement, ça ne me plaît pas encore de travailler au niveau de l'arrangement de ce genre de choses. L'individu qui se conscientise, l'individu doit faire un travail pour se replacer et ça l'oblige à prendre contrôle de son corps vital, ce qui finalement, son problème présentement, est peut-être une grande source d'apprentissage. Ça va lui donner de bons résultats à un moment donné. Comment ne pas dormir dans les 25 premières minutes de vos conférences? C'est assez simple. C'est assez simple. Il y a différentes façons de dormir pendant mes conférences. Les personnes qui souvent ont un périsprit trop mince, leur ego, par l'énergie que je dégage, se sent agressé. Et il y a des personnes qui s'endorment simplement. Lorsque J'ai quelque chose. Bon, tout à l'heure, j'expliquais que j'ai instruit le monde de la mort en parlant en même temps qu'on parle avec des gens. Lorsque certaines choses doivent passer trop puissamment, et ça peut arriver lors des conférences spéciales que je donne de temps en temps à ceux qui ont fait mon séminaire, que nous soit une fois par mois, où on a des individus qui deviennent totalement ivres ou drogués. Et il y en a qui dorment. Et j'ai déjà dit souvent qu'il y en a souvent qui viennent et qui, pendant 4-5 mois, payent 10 $ pour venir dormir. Bon. Mais énergétiquement, ils se changent, même s'ils ne retiennent pas les mots. Et c'est d'ailleurs pourquoi je parle relativement vite, de façon à ce qu'on n'ait pas le temps de trop être intellectualisé. Alors, l'individu lentement se réchauffe. Énergétiquement, il monte en vibration. Et ça, ce n'est pas grâce à moi, c'est simplement grâce à ce que vous êtes. Et lentement, l'individu se réchauffe et finalement, il peut mieux supporter certaines conditions. Alors, il peut rester réveillé. Il y en a, par contre, qui vont dormir après 25 minutes, après 10 minutes, après 50 minutes. Et voilà. Et c'est pourquoi on peut avoir ce genre de phénomène. Lorsqu'une personne va dire, bon, on dirait qu'il commence toujours lentement, puis finalement, après 20-25 minutes, bien là, ça commence à être intéressant. Bien, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle doit faire pour ne pas dormir, entre guillemets, pendant les 25 premières minutes? Bien, elle doit s'arranger pour écouter ce que je dis, parce que même si je, de temps en temps, repars lentement pour les personnes qui sont nouvelles ou les personnes qui n'ont pas encore saisi certaines petites choses, eh bien, ces personnes-là qui s'endorment parce que je répète certaines choses, elles devraient simplement en profiter pour s'en égoïser parce qu'ils ont de l'orgueil à un point tel que même avec tout ce qui existe sur le marché pour pas qu'elles transpirent, ça se sent. Pourquoi les grippes partent-elles toujours de l'Asie? C'est à s'y méprendre, n'est-ce pas? Bon, c'est ça. Bon. Elles ne partent pas toujours de l'Asie, mais il y en a qui partent de là pour la simple raison que ce sont des conçus du Saint-Esprit. Le Nazaréen est l'alliance entre un corps physique, celui de Jésus, et le plan supramental, au minimum, celui du Christ. Le terme Christ, christique, est un terme alchimique qui désigne la conscience supramentale. Alors, le Nazaréen est une alliance entre les deux. Sur la croix, le Nazaréen a été scindé en deux parties. Le Christ a crissé son camp, n'est-ce pas? Et Jésus est resté sur la croix, et c'est lui qui se plaint et qui chiale. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le déluge de Noé a-t-il eu lieu? Imaginons ceci. Le déluge de Noé a-t-il eu lieu? Imaginons la terre. Il y a de cela suffisamment longtemps pour qu'on l'on sache que la majorité des Europes n'existe pas. Les plaques sont déformées comparativement à ce que nous connaissons aujourd'hui, et nous pouvons parler d'un océan d'eau. Mais l'eau est de la vapeur, il n'y a pas d'eau liquide. Dans cette région, il y a énormément de monticules de terre qui sont à la surface, c'est-à-dire là où l'eau est, où l'air est plus subtil, moins dense. On appelle cela l'Atlantide. En Atlantide, il y a, en termes de continents, les deux Amériques, il y a une grande partie de l'Europe, mais pas au complet, et un paquet de pointes qui pourront plus tard être des îles dans l'océan Atlantique. La Terre est habitable, il n'y a pas de plantes et de faune ou de flore comme nous les connaissons, mais il y en a suffisamment, ça ressemble. L'être humain marche sur une Terre, mais il est très volatile, et il n'a jamais vu le soleil parce qu'il est dans les nuages. La vapeur d'eau. La terre est trop chaude. L'eau n'est pas encore refroidie. La vapeur est flotte. Et on a un bonhomme qui s'appelle Noé. Ben, c'est le nom sur lequel on l'a connu. Il travaille dans un laboratoire et il travaille avec différents bonhommes à la recherche pour créer des animaux qui pourront supporter l'humain. J'ai déjà fait une conférence sur le rôle du chien et du chat dans l'évolution de l'humanité. Alors, on m'a dit, on pourra peut-être s'y référer. Pendant ses recherches, notre Noé finit par considérer que probablement la Terre se refroidissant, la vapeur d'eau va finir par devenir de l'eau. Alors, il bâtit deux immenses laboratoires, deux immenses bateaux, deux immenses arches, dans lesquelles il va continuer à faire des expériences. La Bible dit que deux de chaque espèce ont été menées à bord de l'arche. Noé travaillait dans une région qui porte le nom aujourd'hui d'île Galapagos, et cela faisait partie de l'Atlantide. Il clonait, il travaillait la génétique des animaux de façon à créer des animaux qui pourraient servir l'homme. En l'occurrence, le chien et le chat. Mais il a eu évidemment des résultats secondaires à travers ses recherches. Et travaillant, lorsqu'il a pressenti que la vapeur d'eau était pour tomber, Il a transporté son laboratoire dans ses deux arches et nécessairement, il a amené ce qu'il avait besoin. Les autres animaux, il y a, imaginez-vous l'arche de Noé avec un brontosaure, un diplodocus, trois archéoptérix, un pteranodon qui vole là-dedans, hein, des élasmosaurus dans l'eau, dans le petit bain, là, c'est... Bon, imaginez-vous, bon. Et puis Noé n'a pas amené de maringouin, puis de mouche qui s'étire, puis bon, ça, il n'a pas amené ça non plus, bon. C'est des mutations génétiques par la suite. Alors, lorsqu'à un moment donné, la terre était suffisamment froide, l'eau est tombée. Les deux arches ont décollé. L'une s'est ramassée autant dans les terres de feu, près de l'Amérique du Sud, et l'autre sur le mont Ararat en Turquie. Les deux arches étaient sur deux paliers différents, alors les courants d'eau n'étaient pas les mêmes. La terre a d'ailleurs bougé vers quand l'arche de Noé a commencé à partir. Le poids de l'eau a changé un peu son axe. Et lorsque cela est arrivé, eh bien, il y a plus ou moins, pendant un grand bout de temps, on dit 40 parce que c'est kabbalistiquement plaisant. C'est plus que 40 jours. Et lorsque Noé a pu se rendre compte qu'il ne pleuvait plus, eh bien, il restait encore de la vapeur dans l'air. Pour la première fois, l'homme était capable de voir le soleil. Et le soleil, à travers la vapeur d'eau, engendre des arcs-en-ciel. Et l'homme ne l'avait jamais vu non plus. Alors Noé a su qu'en voyant l'arc-en-ciel, plus jamais il y aurait de déluge. C'est évident, l'eau est à terre maintenant, elle ne pleuvait pas dans les airs. Et il a continué donc son histoire. Alors, le déluge de Noé a-t-il eu lieu? Oui, il y a eu 7 déluges, et dont le 7e, celui de Noé. Il y en a eu d'autres avant, mais l'eau était plus basse. Qu'est-ce qui s'est fait que lorsque je me réveille physiquement, il y a des formes humaines ou des lumières de couleurs différentes dans la pièce? Explique le phénomène, y a-t-il un danger? Bon, simplement que la personne, lorsqu'elle fouille dans le monde de la mort, elle va sans doute fouiller tout proche du plan moronciel, là où, lorsqu'une personne meurt, là où l'âme, la partie enveloppante de l'âme vient s'évaser pour permettre à l'ego et aux mémoires volatiles constituant l'âme de gagner le monde de la mort. Ce sont ces entités d'ailleurs ectoplasmiques qui peuvent venir chercher les personnes lorsqu'ils quittent leur corps physique lors d'un accident ou lors d'une mortalité pour les diriger vers le monde de la mort. Là, ils n'ont plus de canal, alors ils doivent être dirigés. La personne, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle doit aller jouer proche de ce plan moronciel et elle ectoplasmise son corps vital, permet à certaines entités, possiblement, de venir créer des phénomènes matériels ou, disons, réalité ectoplasmique dans la pièce. Y a-t-il un danger? Oui, si on en a peur. Et oui, si on décide de les écouter s'ils entrent en communication avec nous. Sinon, il n'y a pas de danger, c'est comme regarder un film. N'ayez pas peur d'un film, puis parlez-y pas. Pourquoi certaines personnes font des voyages astrales sans en avoir pratiqué aucune théorie au préalable? Exactement comme la personne qui court, puis qui sait courir, puis qui est bonne coureur, tandis qu'un autre devra apprendre. Exactement comme une personne qui marche, puis qui court, puis qui fait des sauts, puis un autre doit apprendre à sauter sans faire toujours. Hein? C'est comme une personne qui commence à faire de l'escalade, puis qui est capable, l'autre a de la difficulté. Ça dépend premièrement des processus réincarnationnels. Est-ce que vous avez des réincarnations de mémoire de personnes qui en ont fait? Ça dépend aussi de la faculté du corps de libérer l'ego, l'astral. Alors, ça dépend simplement de cela. Donc, il y a des personnes qui vont arriver à le faire, d'autres vont devoir suivre peut-être des cours pour arriver à faire un voyage astral. Pourquoi, quand on est couché sur le dos, juste avant de dormir, je me détache de mon corps? Parce que c'est la position biologique qui permet à la personne de se dégager. Tout à l'heure, j'ai expliqué que ça dépendait des personnes et ça dépendait des positions. Elle, c'est sur le dos qu'elle le fait parce que ça lui plaît de décoller sur le dos. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de peur. Et quand vous réussissez une chose simple et naturelle, demandez-vous pas pourquoi vous la réussissez. Profitez-en. C'est mieux. Comment puis-je faciliter le discernement? Qu'en est-il de votre séminaire? Le séminaire sert à ça. Et il y a un autre séminaire par la suite qui s'adresse exclusivement à ceux qui ont fait le premier séminaire de façon « Est-ce que je n'ai pas réexpliqué toute l'étymologie et plusieurs choses? » qui, en dedans de 4, disons de 12 heures approximativement, permet à l'individu d'avoir totalement contrôle de son ajusteur de pensée, d'avoir un contact pleinement conscient avec ce que j'appelle la vie, d'avoir un contrôle total de son âme, donc de sa pensée. Enfin, il n'y a même plus de pensée, elle reste bien vivante pendant qu'elle le fait. Or, il y a plusieurs choses qui peuvent se faire. Tout ce qu'il faut, c'est que l'individu soit convenablement préparé pour qu'après ça, on puisse lui dire ceci, cela, cela, cela, pratique avec un tel, fais ceci, fais cela, et finalement, toutes les choses se font. Le discernement, on peut l'avoir comme le reste sans suivre de cours, et pour d'autres individus, ben, c'est drôlement plus économique en temps que de s'enligner dans une, avec des individus qui font le même cheminement ou qui peut-être le savent déjà. Comment concilier la prière traditionnelle et notre ère moderne? La prière traditionnelle, elle permet de vivifier les masses. La prière traditionnelle, elle peut permettre de sauver un troupeau de bisons. La prière traditionnelle, elle peut permettre de sauver un troupeau d'humains. La prière traditionnelle, elle permet à l'humanité de mettre de l'énergie dans le ciel, de placer ses trésors dans le ciel, jusqu'au jour où un ou des humains auront la possibilité d'ouvrir le ciel et de se servir de l'énergie qui a été placée là depuis des milliers d'années. Et dans l'ère moderne, si on regarde l'individu qui se conscientise, il ne priera plus de la même façon. Il priera individuellement. Il aura une raison intelligente d'accomplir des choses. Et il ira, par différentes clés, ouvrir le ciel, bâtir un canal qui va lui permettre de transmuter cette énergie. Et il aura la faculté maintenant d'accomplir graduellement, selon la capacité qu'aura sa psychologie et son corps de supporter ce qui va lui arriver, de pouvoir s'en servir. La prière traditionnelle, elle s'adresse aux masses. Elle ne s'adresse pas à l'individu. Certains individus qui ont inventé une forme de prière ont certains résultats. Mais habituellement, l'humain n'a pas le résultat qu'il mérite. Qu'est-ce que ça veut dire, le résultat qu'il mérite? Je ne parle pas du résultat que vous méritez de... Ben oui, mais là, j'ai fait ceci, cela, cela, j'ai été très, très, très, très bonne, je mérite. C'est pas ça que je veux dire. Quelle dose de conscience vous habite? Eh bien, c'est ça le résultat que vous méritez. Si vous êtes 5% dans une initiation solaire vers l'être humain, vous méritez un résultat du monde de la mort qui est tout à fait différent de ce que l'humanité connaît depuis le début de la prière. Si vous avez 10% de conscience de vie, ben vous méritez mauditement plus en termes de vie que ce que l'humain vit présentement. La semaine prochaine, on parle de l'initiation solaire. Comment commencer son initiation solaire? Comment embarquer dans une mutation qui va faire en sorte qu'on ne sera plus assujetti à l'initiation de l'animal, mais qu'on va maintenant s'assujettir à une initiation ou à une vie intelligente. Alors, quand on se casse la gueule, c'est animal. On est des êtres humains. On ne devrait pas débouler un escalier. On ne devrait pas avoir une crevaison. On ne devrait pas continuellement être entouré de personnes qui ne sont pas compétentes ou énergétiquement ajustées à nous. On ne devrait pas être en chicane, en colère. On ne devrait même pas avoir peur ou être angoissé. Mais pour cela, l'humain doit accepter de faire en sorte que l'esprit prenne le contrôle pendant que l'âme devra apprendre lentement à s'esquisser. La prière traditionnelle, c'est l'humain. Il se met en groupe et il prie. Et il demande, et il supplie, et il quémande. Mais en faisant cela, il prend son énergie et il la place dans le monde de la mort. Mais elle ne lui est pas redonnée. Et l'humain a caché les clés. Les prêtres l'ont fait dans le passé. C'était essentiel. Regardez, au forum, dernièrement, on a eu des miracles. On peut rire, mais ça marche, des miracles. Lorsque l'être humain prend dans le monde de la mort, dans le ciel de l'énergie, et qu'il sait comment l'amener sur la planète Terre, ça se transforme en énergie vitale et ça guérit le corps physique. Mais après 2-3 jours, certains miraculés ont recommencé à retrouver leur maladie. Et là, on va dire, ah ben c'était psychologique, là, j'ai dû croire que je t'ai guéri, puis là, ben là, faut croire, je me suis fait avoir. Non! Tu ne t'es pas fait avoir. Lorsque l'on part une nouvelle religion, comme celle de notre ami Pierre, lorsqu'on part quelque chose dans le genre, eh bien, les gens prient, mais ne demandent pas. Les gens veulent aimer, les gens veulent embarquer, les gens bâtissent un égrégore et ils le remplissent d'énergie, ils mettent le trésor dans le ciel. Lorsqu'à un moment donné, à cause de certains problèmes que je n'explique pas parce que ça regarde eux autres, lorsqu'à un moment donné, on doit réunir un paquet de gens dans une enceinte, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui n'ont jamais prié. Et quand ils viennent là, ah ben là, ils décident de quémander. Et dépendant de ce qui est dit, si on dit on peut guérir les gens, Dieu peut le faire, là, les gens commencent à se pluguer pour recevoir de l'énergie. Mais s'ils sont 6 000 entêtés, puis il n'y en a pas eu assez en haut, il y aura des guérisons. Mais il n'y en aura plus après. Toutes les grosses religions ou toutes les grandes sectes, lorsqu'elles partent, il y a des miracles, il n'y en a plus après. Puis il n'y a plus assez d'énergie en haut. Et en plus, si tout le monde en a pris, ça va être passager, la guérison. Il n'y aura pas eu assez d'énergie. Alors, nécessairement, les miraculés peuvent redevenir malades. Ça a marché, mais l'homme ne sait pas comment prier. Ah, nécessairement, Les résultats sont plus ou moins temporaires et il doit encore s'unir en grande foule. Imaginez, quand l'humain ne sait pas ce qu'il fait, ça marche. Qu'est-ce que ça va être quand l'humain va savoir ce qu'il fait? La prière traditionnelle, elle nourrit les masses. Il y a une autre manière de prier. Et je dis prier pour qu'on comprenne que c'est une communication avec le monde, avec le ciel. Mais c'est autre chose que de simplement dire « Mon Dieu, aide-moi ». Bien, ton Dieu, il t'aide. T'en compte tes bobettes, là. Il t'aide. Qu'est-ce que tu fasses? En plus, il ne sait même pas c'est qui parle. Ils sont 25 à prier. J'ai déjà donné l'exemple la plus parfaite quand on ne sait pas prier, c'est que le paysan demande de la pluie, le voyageur du beau temps, Dieu hésite. Hein? C'est simple. Bon, alors on doit s'enligner. Off ça, ne serait-ce pas un vieux rêve manipulatoire? Off ça, ce n'est pas un vieux rêve manipulatoire. Pourquoi? Parce qu'off ça n'a jamais été appliqué matériellement sur la planète. Il a eu des tendances à être appliqué par Aurobindo et par d'autres personnes du passé qui ont senti l'implication de l'intelligence dans la matière. Qu'est-ce que c'est que de descendre de l'intelligence dans la matière? Bien, c'est de créer un contexte qui va permettre à des êtres nouveaux de vivre dans un contexte nouveau. Est-ce que c'est un rêve manipulatoire? Être manipulé à avoir peur d'un apocalypse, être manipulé à faire la guerre, être manipulé à oublier ce qui se passe, être manipulé à vivre dans une société où finalement on n'est jamais convenablement servi, être manipulé dans une société qui bâtit des maisons avec des fils électriques qui ne sont même pas blindés, alors leurs perturbations électromagnétiques nous maganent à journée longue. Quand on dort, on se fait embarquer avec aussi. J'ai déjà expliqué que quand il y a une panne de courant, on entend le silence. Il y a un bruit qu'on n'entend jamais, qu'on n'entend plus. C'est simplement la perturbation des champs électromagnétiques créée par la conduction des fils électriques qui, maintenant, il n'y en a plus. Et là, on a un vide, comme en campagne. Ben oui. Alors, quand on sait ces choses-là, il devient intelligent de se dire, ben, si on se réunit, puis on se groupe, puis qu'on met un potentiel financier ensemble, puis qu'on se met à penser, puis qu'on fait un travail avec des gens qui peuvent, d'enligner une structure pour nous permettre de vivre. On parle d'OFSA, qui est l'Organisation du Village Scientifique de l'Avenir. Ceux qui organisent OFSA ont un prototype de maison. Ben, à un moment donné, quand ils vont en avoir fait un ou deux, ben, ils vont faire une compagnie pour en vendre des maisons. Ben, qu'ils vont financer le village. Quand ils vont avoir une structure de pédagogie, ils vont s'organiser pour l'exporter. Quand ils vont avoir une structure énergétique, c'est la même chose. Alors, ça reste intelligent. Et il y a une chose importante. Si ça ne marche pas, ça marche. Tous les individus qui en auront fait partie auront appris, vécu. Combien de moments dans votre vie avez-vous réellement vécu? Bien, si vous embarquez dans un projet où on se permet de bâtir quelque chose, ça peut être juste bâtir une tour, juste faire sa maison. Comme il y en a qui le font, il y en a qui l'achètent faite, il y en a qui mettent là, ils veulent la faire. Ils font couler le salage, ils viennent checker, ils regardent, il se passe de quoi dans le vie. Mais bien souvent, l'humain est trop peur, l'humain est trop sécure dans sa maison présentement ici. Off ça n'est pas un rêve manipulatoire, c'est simplement une expression d'intelligence en la matière qui peut matériellement aboutir dans les 10 prochaines années et qui peut matériellement aboutir dans les 25 prochaines années. Ça dépend de l'humain. C'est comme la Rolls-Royce ou la Lada. Mets du bon monde dedans, puis tu auras un bon auto. Qu'est-ce qu'un égrégore? Y a-t-il différentes sortes d'égrégores? Oui. Toutes les connaissances que tu as transmises à travers tes conférences vont-elles former un autre égrégore? Plus ou moins, c'est placé dans certaines places. Il y a certaines connaissances que j'amène qui viennent mieux instruire certains égrégores et d'autres viennent simplement en massacrer quelques-uns. Puis nécessairement, le total engendre un égrégore mental ou supramental dans l'astral. Mais je ne suis pas le seul à le nourrir. Qu'est-ce qu'un égrégore? Un égrégore, c'est une balloune. Un égrégore, c'est simplement tous nous autres ici qui sommes des hommes des cavernes et on a peur de la vie. On voit la foudre tomber sur les arbres et on a peur. On voit les animaux nous passer dessus et on a peur et on a mal. Et on voit le feu dans la forêt et on a peur. Et finalement, on est des humains. Là, lentement, on se groupe et se regroupant, on se sent sécure. Cette sécurité, elle est expérimentée par le monde de la mort, par la mémoire planétaire. Et lentement, cette sécurité, elle forme une enveloppe. Et maintenant, en gang, on se sent bien. Lentement, tout ce que l'on va penser, imaginer, conceptualiser, va être dans ce petit égrégore. Alors, lorsqu'une personne de notre tribu meurt, on l'aime, on la vénère. Et on va l'enterrer, ou on va la brûler, ou on va la manger, dépendant des... Bon. Et disons qu'on ne la mange pas, on met de la nourriture, on met des bijoux, etc. Et cette personne-là, son âme, lorsqu'elle meurt, elle s'en va dans l'enveloppe de la tribu. Et à partir de ce moment donné-là, les personnes endormantes vont avoir l'impression que l'autre est toujours vivant. Et là, on va engendrer le culte des ancêtres. Et lentement, on va amener des explications et la sphère va grossir selon ce que la tribu va grossir. Et lentement, bien, dans cette sphère qu'on appelle un égrégore, va lentement naître un ego. L'ego, c'est qu'à force de répéter des mêmes expériences, ça s'agglomère ensemble par attraction émotive, et ça finit par créer un ego. Et cet ego-là va maintenant vouloir aller chercher une personne dans la tribu et la manipuler. Et, ça, et dans la tribu, subitement, un sorcier, un prêtre vient au monde. Et là, lui, il parle au nom de qui? Des ancêtres. Et les ancêtres sont plugués ensemble. Et lentement, l'ancêtre devient nourri. Et après 2, 3, 400 ans, 600 ans, 1000 ans, l'ancêtre est plein. Et l'ancêtre porte maintenant un nom, Dieu. Et lentement, on continue. Et nécessairement, les enfants qui viennent au monde dans la tribu, on les baptise au nom des ancêtres. Parce que les ancêtres constituent l'ego de Dieu. Et Dieu veut pouvoir manipuler les enfants. Alors nécessairement, Dieu, il les fait baptiser avec un nom qui lui appartient. Et lentement, quelle que soit la religion, on baptise avec un nom typique de cet égrégore-là. Et lentement, en grossissant l'égrégore, bien Dieu, il se dit, plus j'ai de monde pour me prier, pour mettre de l'énergie dans le ciel, plus je me sens nourri. Alors, les petits, allez, convertissez! Ça va de soi. Alors là, les petits partent, puis ils commencent à convertir. Lentement, dans le monde de la mort, un égrégore rencontre un autre égrégore. Deux dieux se voient là d'en face. Alors là, le dieu, il dit à sa gang en bas, tapez des autres, là, moins il va en avoir pour le nourrir, mieux m'en être, parce qu'il va finir par s'en aller. Puis l'autre, bien, il dit la même affaire. Alors, la guerre dans le ciel engendre les guerres religieuses sur la terre. Et etc., c'est un peu ce qui anime l'humain. Bon, c'est bien. Alors, ça, c'est un égrégore. On a des égrégores nationaux, la patrie. On a des égrégores qui vont être politiques, des égrégores familiaux. Et on a des égrégores continentaux, des égrégores religieux, on a des égrégores techniques. Enfin, il y a plusieurs formes d'égrégores. J'étais stressé cette nuit et j'ai constaté que mon stress me suivait dans mon insomnie, de mon insomnie à mes cauchemars, et créait comme une continuité. Ce n'est pas une technique, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que ça signifie? Le stress de la personne lui a permis, plus ou moins, de rester réveillé pendant que son corps dormait. C'est pas une technique, mais c'est une technique. Elle ne l'a pas appris. Il faut faire attention. On est capable d'inventer des choses. Mais c'est parce qu'on ne se fait pas assez confiance qu'on est obligé de venir m'entendre ou aller en entendre d'autres. Parce que bien souvent, on apprend ce que l'on sait. Sauf que c'est mieux dit. Bien, c'est parce qu'on le fuit. Les techniques, n'importe quel être humain qui veut avancer, imaginez que vous décidez de vous connaître, de travailler pour vous améliorer. Vous allez vous asseoir, vous allez dire, qu'est-ce que je commence par faire? Ah ben, je ne sais pas. Ben, c'est plate. Ah voilà, c'est plate. On va éclairer ça l'ennui. Comment on fait? Ah, c'est ennuyant, je ne sais pas. Eh bien, voilà. Pas besoin de technique. L'individu qui décide, bon, bien là, je ne m'ennuierai plus. Lentement, elle va changer des choses. Mais parce que l'être humain est manipulé, il y a des chances que la personne, elle dise, je ne... Bien, c'était quoi? Ah, bien, j'ai oublié. Puis là, on continue à vivre sa vie conventionnelle. On a oublié qu'on voulait évoluer. C'est ce qui arrive normalement. Alors, la personne, elle a simplement... Elle a eu cette faculté, son stress lui a permis de s'endormir physiquement, s'endormir autrement, et elle a pu donc cheminer et se rendre compte de certaines choses. Bien évident, le cerveau étant stressé, le rêve devrait normalement être stressé. Le balayage mentalo-cérébral que j'expliquais tout à l'heure permet d'éliminer ça. Sauf que lorsqu'on a un anti-homme très puissant, il y a des chances que quand on veut le relaxer, ça nous énerve. Ben oui, c'est parce que lui fait tout pour pas que tu relaxes. Dans ce temps-là, il faut devenir un peu plus son maître contrôleur, puis s'arranger pour le pratiquer. Quelles sont les quatre initiations du Christ? Et j'ai rêvé que je parlais au Christ dans un temple. Quelle est la signification? Ben, il n'y a pas de signification. Les significations, là, ça signifie ce qu'il vous a dit. Chose qui est certaine, c'est qu'on ne parle pas au Christ dans le temple. D'ailleurs, le Christ, c'est quelque chose que l'humain a de la difficulté à bien saisir. Premièrement, qu'est-ce que c'est le Christ? Un jour, je fais donc un voyage astral avec une classe de 20 élèves et je leur dis, on va aller rencontrer le Nazaréen. Ça vous plaît? Ils ont tous dit oui. Bon. Alors, on est parti lentement, on est allé voir un satellite qui est en orbite autour de la planète Terre. Lentement, on s'est rapatrié au-dessus de l'ancienne Terre où vivait le Nazaréen. Et là, on a descendu à travers cela, puis finalement, quand tu arrives en bas, et bien là, je leur ai dit, là, il y avait un paquet de monde, c'était absolument plein de gens. Fait, je leur ai dit, on va essayer de se faufiler puis monter, on va aller voir, il est en train de jaser. Alors, on s'est rapproché lentement, puis on est arrivé là. Et là, il y avait un bonhomme, que je ne vous décrirai pas. Il y avait 63, il y en a qui les ont comptés. Les apôtres, parce qu'il n'y en a pas un que 12. Hein. On ne bâtit pas une religion planétaire avec 12 gars. Ça, c'était les 12 majeurs parce qu'ils étaient reliés à des faisceaux différents. Mais il y en avait un bon paquet. Alors, on arrive là. Et là, je n'ai rien dit, je les ai laissés observer ce qui se passait là. Une fois qu'on a eu fini, bien là, on est revenu un peu, puis je leur ai dit, on retourne le voir. On est retourné le voir. Ah, qu'il ne ressemblait pas à ce qu'on avait vu. Et le seul vrai Nazaréen qu'on a vu, c'était un gars écrasé à terre, assis, puis qui avait l'air d'être écœuré royalement. Bon. Qu'est-ce qu'on a vu comme Nazaréen? Eh bien, après ça, je leur ai expliqué. Alors, on a rencontré le Christ dans un temple. Oui. La personne qui aime le Nazaréen, elle en parle. En parlant, elle crée une forme qui devient aussi une mémoire. Mais ce n'est pas la mémoire de ce qu'était le Nazaréen, mais c'est une mémoire qui y ressemble. Alors, dans un rêve, si tu vas jouer avec cette mémoire-là, tu vas jouer dans l'idée que le gars s'en faisait, mais tu n'auras pas la réalité. Si on va voir maintenant les mémoires de ceux qui ont haï le Nazaréen, ah bien là, on va voir un homosexuel. Oui, parce qu'il restait avec des gars. Là, on va voir un gars qui se droguait. On va voir un gars crotté, pouilleux. Et là, on va dire, tabarouette, mais le Nazaréen, c'est pas l'idée que je m'en faisais. Ça dépend dans quelle mémoire astrale tu es allé fouiller. Si tu vas dans les annales akashiques, tu connais le gars tel qu'il était, parce qu'il n'est plus là. Jésus est resté vivant sur la planète Terre. C'est-à-dire qu'il est resté vivant dans le plan Moronciel et il s'est réincarné. Le Christ lui-même, c'est autre chose. Il y a d'autres énergies christiques qui peuvent christifier un être humain et faire quelque chose qui ressemblerait au Nazaréen. Mais c'est pas le même canal, c'est pas le même faisceau. Donc, ça va être un peu différent. Jean le Baptiste était plugué sur un faisceau. Les 12 apôtres étaient plugués sur les 12 autres faisceaux. Enfin, c'est des choses que... sur lequel on pourra revenir. Mais une chose certaine, c'est quand on rencontre le Christ dans une église, on rencontre premièrement une mémoire. Hein, quand on parle à son grand-père qui est décédé, on ne parle pas au grand-père. Le grand-père n'est plus là. On parle à des mémoires. Et on parle souvent des mémoires de d'autres choses sur le grand-père, puis ça fait simplement se colorer, puis ça vient nous manipuler. Hein, ça aime ça. Qu'est-ce que cela veut dire quand on rêve aux personnes décédées? Bien, ça veut dire que ces personnes décédées-là rêvent à vous, à sa mère, etc. C'est-tu mauvais pour le rêveur ou le mort? Où est le mort? Le mort est dans le ciel. Le ciel est le monde astral, ce que j'appelle aussi le monde des morts. C'est pas dangereux d'être là. Sauf que rêver aux personnes disparues, c'est engendrer un attachement. La personne qui est de la mémoire disparue n'est peut-être pas encore tout à fait dans le monde de la mort. Elle est peut-être encore un peu dans le plan moronciel. Et elle a tendance à vouloir entrer en communication avec l'humain. Parce qu'elle a tendance à vouloir, elle ne sait peut-être pas totalement qu'elle est morte. Pas dangereux d'être mort. Pour l'humain vivant, il comprend mal, mais il n'y a rien là. Alors, lorsque l'on rêve à ces personnes-là, eh bien, normalement, ça retarde un peu leur passage dans le monde de la mort, le ciel. Donc, ça retarde leur passage dans la dissolution purgatorielle de ce qui les constituait. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas grave, ce n'est pas un danger. Une chose. Ce que nos parents nous disent, ou ce que ceux à qui on rêve nous disent dans notre sommeil, que lorsqu'ils sont morts, eh bien, on doit faire très attention à ce qu'ils nous disent, parce qu'ils ne savaient pas de leur vivant qu'est-ce qu'il fallait faire. Ils ne le savent pas plus une fois qu'ils sont morts. Oui? Les 4 initiations du Christ, j'aurais aimé ça que tu élabores plus. Bon, je vais essayer de passer ce qui est ici, puis j'y reviens. Qu'est-ce que cela veut dire quand on rêve des personnes décédées? Hein? Ça va vite. Hein? Que faire avec l'amour pogné? Comment expliquer qu'on le subit sans agir? On est manipulé. La meilleure chose pour répondre brièvement, j'ai fait plusieurs conférences sur l'amour intelligent. On peut s'y référer parce que dedans, on décode énormément le phénomène de l'amour psychologique. Une chose certaine, on doit commencer par voir l'intelligence d'une chose neuve. Ça ne règle pas le problème. Et c'est là que quand je dis qu'on peut arriver à souffrir en évoluant, c'est que là, on voit ce qu'on doit faire, puis on voit qu'on n'est pas capable. Sauf qu'en commençant par voir l'intelligence de, on est à moyen terme vainqueur. Si on ne le sait pas, il faudra un jour qu'on le sache pour finalement arriver à la même chose. Plus vite on le sait, plus vite on souffre et plus vite on passe. La condition de santé physique peut-elle influencer la manipulation dans nos rêves? Oui. La pratique de technique peut-elle l'améliorer? Peut-elle améliorer la santé? Ça va de soi, oui. Parce que la majorité des maladies sont psychosomatiques, créées dans la psychologie, exprimées dans le corps par l'expression endocrinienne. C'est de même que l'âme s'exprime pour muter le corps physique. Dans le rêve, on s'exprime encore. Contrôlant le rêve, nécessairement, on élimine déjà des choses. On peut éliminer un stress bio-inconscient, et lentement, on peut améliorer aussi son état de santé. Où est le mental pendant le sommeil? Il reste présent dans le corps. Il peut avoir de l'information du monde de la mort. Il peut ne pas en avoir. C'est pour ça que si on rapproche le rêve du corps physique, le mental peut maintenant l'observer et on peut commencer à s'amuser dedans. L'atmosphère de mes rêves suit celle de ma vie. Ça va de soi parce que l'ego vivant, expérimentant des choses, il est attiré par des phénomènes du monde de la mort qui sont en affinité avec lui. J'ai souvent des rêves où je suis en lutte et impuissante. Si on arrive à contrôler le rêve, on va arriver à s'arranger pour gagner dedans. Et lentement, l'incidence va commencer à apparaître dans la vie. Le pire m'arrive pas, mais l'atmosphère est très déplaisante, comme une absence de futur, de perspective, une peur que le pire va arriver. Est-ce le rêve qui influe sur ma vie ou ma vie sur le rêve? Présentement, c'est une manipulation, c'est le rêve qui influence la vie de l'individu, c'est pas la vie qui influence son rêve. Par contre, le rêve influençant sa vie influence le rêve. C'est pourquoi elle doit apprendre réellement à devenir un peu plus le maître dedans. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Bien souvent, l'individu, qu'est-ce qu'il dit? « Ouais, mais là, ça fait 2 semaines, là, puis ça marche pas, là. » Ça fait 20 ans que tu rêves de même. Laisse-toi au moins 2 semaines et une journée. Laisse-toi un petit peu plus. Là. Prends patience. Tu dis que si on s'initie par le rêve, ça n'arrive pas dans la réalité. Là, tu dis que ce qu'on vit dans le rêve risque d'arriver dans la vie. Exemple, faillite. Qu'en est-il vraiment? Quand je parlais de l'initiation, on parlait donc de dormir d'une autre façon. Et on parlait de la phase de pré-sommeil où on prépare quelque chose pour, dans le rêve, mentalement observer si l'ego peut l'éliminer. Et cela fait référence à l'individu qui ne vit plus, qui est en transition. Il vit encore, mais est en transition entre l'initiation solaire, sur laquelle on va venir la semaine prochaine pour l'expliquer convenablement, et l'initiation lunaire, qu'on va expliquer, ça va de soi, la semaine prochaine aussi, pour qu'on arrive à comprendre la nuance. L'initiation de l'animal, l'initiation de l'être humain. Dans le rêve, celui qui le fait inconsciemment, cela peut transparaître dans sa vie. Celui qui manipule et contrôle le rêve, lui peut arriver à apprendre et à empêcher des choses dans sa vie. Qu'en est-il vraiment? Il en est ceci. Et bon, eh bien, ce qu'on va faire, voyez-vous, pour les initiations du Nazaréen, c'était des initiations solaires. La semaine prochaine, je vais donc commencer en répondant à cette question qui va de toute façon faire en sorte peut-être que pendant les premières 25 minutes, l'individu ne dormira pas. L'initiation solaire, c'est une initiation qui atteint l'humain. Il y a des problèmes parce qu'on peut en souffrir. Il y a des moyens de s'en sortir parce qu'on peut s'amuser en maudit en évoluant. Et on va commencer avec les initiations du Nazaréen, des pièges subtils qu'on ne revivra pas, mais on en vit pareil des pièges similaires, des espèces de tests où l'intelligence ou l'esprit vient voir si le corps est prêt. Si l'ego dedans est trop maître contrôleur, le corps manque son coup et l'esprit se retire. Jean de Baptiste a manqué son coup. Le Nazaréen a réussi ses 4 initiations primaires, initiation solaire. On va y revenir la semaine prochaine. En attendant, on se prend pas au sérieux, on s'amuse. S'il pleut, buvez. S'il neige, mangez. Bonne semaine. Pour le transport en minibus...